de nos désespoirs. Les temps sont durs mais je n'ai pas peur. À tes côtés sur le front des crèves-cœurs. La faim, la peur, la haine vont tout emporter. Comme autant de vagues sur la jetée. Nos résistances sont toutes échouées. Il reste du ma mère, des luttes passées. Les temps sont durs mais je sais qu'entre toi et moi, à la vie, à la mort, on restera debout et droit. Des écrans de contrôle. Attends une éruption sur le devant de la scène. Qu'elle interprète enfin le premier rôle. La force qui craque et ma colère qui tonne. Mon cœur qui s'enflamme, un appel qui résonne. Tous pour moi et moi pour tous. Encore un effort jusqu'à la grande secousse. Sur mon bras, reste.